forêt, yeah, comme les bourdons. Le seul. Au veillon, c'est que son sujet aux antiquités et aux oreillons. Oh, ces monstres se nourrissent des temps qu'elles pèsent. Alors parfois, il y a des bordements de substance chez ces animaux. C'est la merde qui colle, le sperme est fluide. Tant qu'il y a des problèmes dentaires qui les font souffrir, ceux qui ont explosion de la bête. Oh! princesse, tu vas faire un bébé, ma princesse. Intérieur, un bébé. Il va. Un baiser, un bébé. Un baiser ou un bébé, tu vas faire. Tu vas faire ma grossesse, un bébé ou un baiser. Ah, mais c'est illégal. Ah, j'ai peur. J'ai peur de ton bébé, ma grossesse. Ah, j'ai peur de ton bébé, je chute. Aïe, aïe, ma bichette. Ah, mon amour, un peu trop long. Ah, mon dieu, attends, bon. Aïe, ah, comment, oui. Aïe, elle veut tirer des. Ah, ça tire. Ça tire la migale. La migale te tire des poils. Ah, là, ah, là, tire les poils. Elle tire les poils. Les poils. Je m'a dit, mon amour, thank you. soulever sa toche. Pour les canards, ils ont découpé les anguilles, car le car, il a expulsé son chou-fleur sur le divan bourré de fleurs qui plus fort et mes cœurs, voilà mon cœur. Un poème.